Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 117. De la libéralité. La libéralité est une vertu, sa matière, son acte propre, sa connexité avec la justice, sa dignité. 1. La libéralité est-elle une vertu? Quel est le propre de la vertu, demande saint Augustin, sinon de bien user des choses dont on peut user mal? La libéralité nous porte à faire un bon usage des biens temporels que Dieu nous donne pour entretenir notre vie, elle est donc une vertu. L'Évangile nous la recommande en 1000 endroits. Note. Dieu donne à plusieurs le superflu des richesses pour qu'ils aient le mérite de la libéralité. Rien n'empêche que le pauvre, dans son indigence même, ne soit libéral, cette vertu consiste avant tout dans le sentiment qui donne, et non dans la valeur de ce qui est donné. Fin de la note. 2. La libéralité a-t-elle l'argent pour matière propre? Le propre de la libéralité, c'est de répandre les biens qui sont en notre possession, en se montrant libre de toute affection désordonnée. Ces biens qu'un homme doit répandre sur ses semblables, ce sont toutes les choses estimables à prix d'argent. Ainsi, l'on peut dire que la libéralité a pour propre matière l'argent. Note. Les passions intérieures n'en sont pas moins sa matière immédiate et prochaine, car le sentiment qui porte à donner doit dominer l'amour et le désir de l'argent. Fin de la note. 3. La libéralité a-t-elle pour acte le bon usage de l'argent? L'acte propre de la libéralité, c'est le bon usage de l'argent et de tous les biens destinés à l'usage de l'homme. Mais il ne faut pas croire que l'homme libéral doive toujours donner. Il doit aussi recevoir et garder. Non seulement il use bien de l'argent, mais il prépare les moyens d'en bien user et le réserve pour un usage convenable, tel le soldat valeureux prépare son glaive, le tient dans le fourreau, et frappe ensuite l'ennemi. Note. La libéralité nous enseigne à prévenir tout attachement désordonné pour l'argent. Elle règle les dépenses et les dons d'une manière convenable. Fin de la note. 4. La libéralité a-t-elle pour acte principal de donner? Le propre de l'homme libéral est d'user de l'argent. Or l'usage de l'argent consiste plutôt dans son émission que dans son acquisition. Il y a plus de vertu à le répandre qu'à le recevoir ou à le conserver. Puisque la libéralité, comme toutes les autres vertus, tend à ce qu'il y a de plus parfait, son acte le plus noble est de donner. Note. Elle donne quand il convient de donner, et refuse quand il convient de refuser. L'homme libéral recueille le fruit de ses propriétés et gère ses biens avec sollicitude, afin d'en user avec générosité. Donner est toujours le but de ses efforts. Fin de la note. 5. La libéralité est-elle une partie de la justice? La libéralité n'est pas rigoureusement une espèce de la justice, dont le propre est de rendre aux autres ce qui leur est dû, mais elle touche à cette vertu par deux points, comme se rapportant à autrui, et comme s'occupant des choses extérieures. Quoiqu'elle ne concerne pas, comme la justice, le dû légal qui fonde une obligation stricte, elle n'en impose pas moins une certaine dette morale exigée par les convenances. Aussi plusieurs en font une partie de la justice, à laquelle ils l'annexent comme l'accessoire au principal. 6. La libéralité est-elle la plus grande des vertus? Le philosophe a dit: on honore d'abord les hommes justes et les hommes forts, puis les hommes libéraux. Saint Ambroise en donne cette raison: la justice est supérieure à la libéralité, mais la libéralité a plus de charme. La libéralité, dont la fonction primordiale est de régler nos affections relativement à la possession des richesses, le cède à plusieurs vertus, à la tempérance, qui modère la concupiscence et les plaisirs du corps, à la force, qui concerne le bien public en temps de guerre, à la justice, qui se rapporte au bien commun en temps de paix, et à toutes les vertus qui ont rapport au bien surnaturel et divin. La raison n'est que les biens divins l'emportent sur les biens humains, le bien public sur le bien particulier, le bien du corps sur les biens extérieurs. Quoi qu'il en soit, la libéralité peut réclamer la préséance sous certains rapports, car elle met sur la voie de tous les biens dont nous venons de parler. Un homme est-il détaché de l'argent, il emploie sans peine ses biens pour lui, pour les autres et pour Dieu. Mais, comme on doit juger des vertus d'après leur nature propre et non d'après ce qu'elles peuvent produire, il faut dire que la libéralité n'est pas la plus grande des vertus. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.